الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Dans le dernier درس on avait pris le فضائل certaines فضائل de أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Bien sûr, celles qu'on a citées sont vraiment minimes par rapport aux فضائل de أبو بكر qui sont extrêmement nombreuses. Et aujourd'hui, on va prendre le deuxième sahabi, le plus grandiose après Abu Bakr al-Siddiq, qui est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui est surnommé al-Farouq. Al-Farouq, c'est celui qui fait le discernement, qui fait distinguer les choses. يقول في الحديث الخمسين بعد المئة 150e حديث qui est le 10e de ce فصل. يقول عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا فقلت لمن هذا فقالوا لي عمر ابن الخطاب فأردت أن ندخل فذكرت غيرتك فبكى عمر رضي الله عنه وقال أي رسول الله أو عليك يغار متفق عليه. Donc selon Jabir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, en fait là il parlait à Omar à ce moment-là, il a dit je suis rentré au Jannah, je suis rentré au Jannah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est rentré au Jannah. Tout comme il a vu également le Nar, les gens du Nar. Il a dit, j'y ai vu une maison ou un palais, soit l'un ou l'autre. Et j'ai demandé à qui appartenait ce palais. Et ils ont dit, en fait, il parle des anges qui l'accompagnaient à ce moment-là. Il est en compagnie d'anges, et c'est à eux qu'il a posé la question. Et ils ont dit, c'est Omar ibn al-Khattab. Il a dit, j'ai voulu rentrer dans ce palais, puis je me suis rappelé de ta jalousie, Omar. Et de là, Omar, à l'écoute de ce récit du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à pleurer. Il a dit, et d'un homme comme toi serait-on jaloux? Le hadith, c'est les muttafaqun alayhi. Donc, dans ce hadith, on y voit la promesse pour Omar qui sera parmi les gens du paradis et qu'un palais l'y attend. Et dans une autre version du hadith, il dit بينما انا نائم رايتني في الجنه فاذا امراه تتوضا الى جانب قصر فقلت لمن هذا قالوا هذا لعمر فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. Donc il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre version du hadith, il dit, alors que je dormais, je me suis vu au paradis et j'ai vu une femme qui faisait les ablutions aux côtés d'un palais, aux abords d'un palais, et j'ai dit, à qui est ce palais? Ils ont dit, c'est à Omar. Et je me suis rappelé de ta jalousie, et de là je m'en suis retourné, alors qu'il voulait pénétrer dans ce palais. Taïeb. Donc, là on a deux versions, et il y en a une qui précise qu'il y avait une femme auprès de ce palais qui faisait ses ablutions. Et là, bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit avoir interrogé les anges, comme on l'a dit au début. Donc, regardez, un point qui est très important, très très important, et qui est encore un enseignement pour nous. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. Il a dit prenez garde à ne rentrer auprès des femmes. Et ils ont dit les sahaba فرأيت الحم يا رسول الله قال الحم الموت. Ils ont dit et vois-tu qu'en est-il du proche parent, ça veut dire le frère du mari ou le cousin du mari ou voilà les proches du mari qui ne sont pas des mahrim pour l'épouse. Par exemple le beau-père c'est un mahram, il peut rentrer. D'accord? Par exemple toi tu es marié avec une sœur. Ton père peut voir ta femme, il peut la toucher, il peut voyager avec elle, il peut l'avoir découverte. Quand je dis découverte, c'est sans son hijab, bien sûr. C'est un mahram pour elle, à vie. D'accord? C'est un mahram pour elle, à vie, le mariage est interdit. Mais ton frère à toi, ton oncle à toi, et tes cousins, tout cela, eux ne peuvent pas. Ce ne sont pas des mahrams, ce sont des étrangers pour elle. Et il est connu que souvent les hommes sont habitués à rentrer les uns chez les autres. Ton frère, il va rentrer chez toi normal, ton cousin pareil, sauf que à partir du moment où tu es marié et que ta femme elle est là, ils n'ont pas le droit de rentrer. Même s'ils sont tes plus proches parents et qu'ils ne sont pas tes maharim, ils n'ont pas le droit de rentrer chez toi. il a dit le hamul maut. Ça, c'est un enseignement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car en fait, c'est la mort. Dans quel sens? Que le danger, on s'en méfie le moins lorsque ça vient des proches. Et cela ne veut pas dire qu'il faut que tu te méfies de ton frère, de ton oncle, de tes cousins, non. C'est juste que, à la base, ces gens-là peuvent se ramener à rentrer chez toi sans aucune mauvaise intention. Tout comme il ne faut pas non plus que tu commences à louter de ta femme. Non. Mais cela veut dire qu'à force de rentrer ou qu'il y a un moment d'inattention, là, Shaitan y peut venir et faire son travail. Alors qu'à la base, ton frère rentrait chez toi pour un besoin, ta femme elle est là, il rentrait, est-ce qu'il est là, non, il n'est pas là, j'ai un truc à faire vite fait, je reprends, je m'en vais. Par exemple, tu vois. À la base, il n'est pas rentré pour te faire un mal. Et ta femme ne lui a pas ouvert la porte pour te faire du mal. Mais Shaitan y rentre. Et Shaitan y court dans les veines de Bani Adam. Et il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme ne peut s'isoler avec une femme sans que Shaitan soit le troisième. D'accord ? Donc en fait, c'est pour te dire que ce genre d'attitude, c'est de là où tu ne t'y attends le moins, que là où tu es le plus en confiance, que c'est là qui t'arrive le plus grand déboire, malheureusement. C'est comme ce que les Koufars, par exemple, c'est souvent quand on est aux abords de notre quartier, des secteurs qu'on connaît, qu'on a plus de probabilité d'avoir un accident. Parce que c'est l'endroit que tu connais, donc tu prends pas tes gardes. Et comme on dit, ce sont les meilleurs nageurs qui se noient. C'est là où la personne, elle est à l'aise, qu'il lui arrive justement ce qu'elle elle pense être en mesure d'éviter. Et ben c'est pareil. C'est à l'entrée de tes proches, en qui à la base tu as totalement confiance, et aussi tu as confiance, cependant, ce sont des êtres humains avec leurs faiblesses, et ta femme également. Donc attention à ça. Et de pire, c'est quand on entend des histoires que tu entends des gens qui disent, souvent des sœurs qui disent, ouais, mais mon mari m'a trompé avec ma meilleure amie. Déjà, comment ça fait que ton mari reste seul avec ta meilleure amie? Tu vois, c'est pas normal. Il y a pas de... On n'a pas à se mélanger entre hommes et femmes. Et bien évidemment, la femme, elle est choquée parce que elle se dit, c'est ma meilleure amie, comment cela peut arriver? Ben justement, ça peut arriver du fait que ce sont les gens à qui tu as le plus confiance que cela peut arriver parce que ils baissent la garde. Toi, tu baisses la garde, eux, ils baissent la garde, et Shaitan, lui, l'attaque. Et résultat, il se passe des choses surprenantes qui, en réalité, ne le sont pas lorsqu'on connaît les règles de la religion. Et là, regardez, l'homme qui est, on va dire, le plus... qui craint le plus Allah Zawajal, et qui est le plus à respecter, et ben malgré cela, quand il a vu le palais de Omar, il n'a pas voulu y rentrer, sachant que Omar est un homme jaloux, d'accord, alors que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam n'aurait rien fait. Et en plus, c'était dans un rêve, et en plus, c'était au Jannah. Et malgré cela, regardez le niveau de respect pour Omar et de prise en considération de la jalousie de Omar, il n'est pas rentré chez lui. Alors qu'aujourd'hui, tu vois des gens, leur femme parle avec leurs amis normales, enfin, elle parle avec les gens normaux, normalement, ou les maris parlent avec des femmes normales, tout le monde s'en fiche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne là un exemple, une leçon d'éducation par rapport au rapport de couple. Tu n'approches pas la femme des autres. Tout comme les sœurs n'ont pas approché les maris des autres. Ça, c'est une chose qui est importante. D'accord ? Très important, et d'instaurer la confiance. C'est pour ça que c'est, la porte, elle est fermée à tout cela de base. La porte est fermée à tout cela de base. Ça ne veut pas dire que tu peux aller t'approcher d'une femme célibataire ou d'un homme célibataire. Non, mais c'est encore pire lorsque c'est une personne qui est mariée. D'accord ? Car tu peux ouvrir des portes aux suspicions, ou peut-être amener à ce que la confiance entre les conjoints, elle baisse. Donc, là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien dit qu'il n'est pas rentré dans ce palais connaissant la jalousie de Omar radiallahu anhu, alors qu'il aurait pu le faire. Malgré cela, il ne l'a pas fait. Donc qu'en est-il de nous avec les épouses des frères ou les sœurs avec les époux des frères, et ainsi de suite? C'est une leçon, d'accord? Et ce n'est pas, comme on l'a dit, pour inspirer ou instaurer une ambiance de suspicion. Non, c'est une prévention. Vaut mieux prévenir que guérir. Et l'être humain, il est faible. Chamangou, il disait, par rapport au regard, baisser le regard, il a dit, il se peut que l'homme soit une personne qui soit salih, et que la femme soit une femme, personne qui soit salih. Et pourtant, les deux, leurs regards sont croisés, plus qu'il ne faut, et de là, eh ben, ils ont peut-être pu être épris l'un envers l'autre, et de là, une fois que la fitna est rentrée, c'est très très dur de s'en débarrasser. Et alors que la personne de base, c'est une personne qui n'est pas attirée vers le mal. Mais, avec ce regard qu'il y a eu, eh ben, le mal il est rentré, et malheureusement. Donc voilà pourquoi il faut prévenir. La religion est là pour prévenir avant de guérir. Donc baisser le regard, éviter la mixité, éviter tout contact physique, éviter les voyages seuls pour la femme, éviter tout rapport qui n'a pas vraiment lieu d'être. Après, il y a des choses qui sont permises. Mais tant qu'on peut les éviter, vaut mieux les éviter. D'accord ? Vaut mieux les éviter autant que possible. Non. Donc là, on y voit le fadl de Omar qui a déjà un palais qui l'attend au Jannah. Après, les fadl de Omar, elles sont très nombreuses, mais comme on l'expliquait dans le kitab, il s'agit là d'un résumé. qui cite un seul hadith concernant Omar. Alors des hadiths, il y en a plein. Taïb. Donc là, on va prendre les favoris du hadith. Il dit, favoris du hadith, istirbab qas ruya al-saliha al-ashab. Donc il est permis de citer le rêve pieux que l'on a fait à nos amis. Par exemple, tu as vu ton ami dans un rêve ou une chose, tu peux lui raconter. Thaniyan anna man ra'a li sahibi khayran yubashshiruhu bihi fa inna ar-ru'ya saliha min mubashirat an-nubuwwah. Et lorsqu'on voit justement une chose pieuse envers une personne que l'on connaît, alors il est bien de lui faire la bonne annonce, parce que cela, les visions pieuses sont parmi les choses liées à la prophétie. Salisan jawaz zikr ar-rajul bima 'ulima min khuluqi, et qu'il est permis de citer une personne avec ce que l'on connaît comme ses traits de caractère. Par exemple, là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il savait que Omar était un homme qui faisait preuve de jalousie. Ensuite, rabi'an man kana 'ali an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas du riba bien sûr, ce n'est pas du riba. Salisan ma kana 'ali an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min mura'ati as-suhba. Et là, ça prouve comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam prenait en compte, en considération, justement les relations par rapport à ce que les gens pourraient ressentir. Bien que Omar n'aura rien ressenti, mais c'est principalement pour nous enseigner à nous également comment se comporter face à ce que peuvent ressentir nos amis ou nos proches, et ainsi de suite. Donc respectez cela. Khamisan wa fihi fadilat dhahiratun li al-Faruq Omar ibn Khattab wa bishara lahu bil jannah. Et ça montre parmi les mérites de Omar radhiyallahu anhu, et que cela est une bonne annonce pour lui qui sera parmi les gens du jannah. Sadisan fadl al-ghayra fa innaha min khuluq al-fudala al-mahmuda. Et cela montre le mérite de la jalousie, car la jalousie est parmi les nobles caractères des personnes de noble caractère. Par contre, faut faire attention à une chose. Des fois, il y a des jalousies qui sont excessives et qui sont maladives et qui sont nuisibles. Elles sont très mauvaises, d'accord ? Et souvent, les gens qui sont trop jaloux, souvent, c'est parce qu'ils cachent eux-mêmes un mal. Et qu'ils ont... Par exemple, tu verras des personnes très jalouses. Par exemple, ils sont presque au niveau d'espionner leur femme, dans tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles disent. Parce qu'eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas fiables. Quand une personne n'est pas fiable, tu la vois renvoyer, refléter son mal à travers les autres. Par exemple, quelqu'un qui est un voleur, il se doute de tout, il se méfie de tout le monde, que personne n'est honnête. Quand quelqu'un est un menteur, il doute de tout ce que les gens lui disent. Et t'as des gens également, quand ils ont du vice par rapport à cela dans les relations avec autrui, tu les vois refléter cela à travers leur conjoint. Par exemple, tu vois, tu verras la femme être à l'affût de les mails et tout ce que l'homme peut recevoir, parce qu'en fait, elle-même, elle sait qu'elle a déjà agi de la sorte, ou qu'elle peut agir de la sorte. Donc elle fait cela passer pour une jalousie, pour de l'amour, alors qu'en réalité, non. Ça, c'est juste du vice, d'accord, que l'être humain peut avoir en lui. Des fois on entend des histoires, elles sont incroyables. T'as des gens, tu les vois faire d'une jalousie excessive, et tu dis, oh la personne elle est jalouse, ou c'est par amour. Et en fait après le temps qui passe, tu te rends compte en fait la personne c'était pas vraiment une jalousie par rapport à l'amour, parce qu'en fait c'est un mal qu'elle-même est capable de faire, et qu'elle a peur que tu le fasses subir à elle aussi par la suite. Donc attention à cela, des fois c'est pas forcément de l'amour, c'est juste que la personne elle a une forme de narcissisme. Et souvent vous savez, ces gens-là, le mal qui est en eux, ils le jettent sur les autres. Ils accusent les autres de ce dont eux-mêmes sont coupables. Donc attention également à cela. Ensuite, il dit Sabi'an husn adab Omar radhiyallahu anhu ma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li qawlihi aw 'alayka aghar. Et donc ça montre le bon comportement de Omar radhiyallahu anhu lorsqu'il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment pourrais-je te jalouser, être jaloux de toi? Tu vois, quelqu'un comme toi ne peut pas être jaloux par rapport à ça, car c'est une confiance aveugle à 100%. Ensuite, thaminan يقول فيه دليل أن القصر مسكون بحول العين لأن الغيرة إنما تكون على حشم الإنسان. Et cela prouvait que ce palais était habité par des houl al-ayn, d'accord, les femmes du paradis. Car cela est la cause pour laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris en compte la jalousie de Omar. Car ce palais n'était pas vide. D'accord, ce palais n'était pas vide, sans quoi il aurait pu rentrer. Mais un palais implique qu'il s'y trouve à l'intérieur ce qui est la réjouissance des yeux pour cet homme qui était Omar radiallahu anhu. On va s'arrêter là ce soir. Faute de temps, je voulais prendre un deuxième hadith, mais en plus il y a du bruit derrière moi qui ça me dérange. J'arrive pas à me concentrer pour le ders correctement. Donc Inch'Allah, on va s'arrêter là. Et le prochain, ce sera le Fadr de Othman radiallahu anhu. Et peut-être on prendra Ali avec lui. Voilà, hasab al-wakt. Tamam. Fanaktafi biyad al-qadr. Fasubhanaka wa bihamdik. La ilan tastafuka wa tubulik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.